Donc, maintenant, vous avez toutes les clés nécessaires pour ouvrir la porte de la langue italienne. C'est la porte par laquelle vous pouvez entrer dans la langue et vous y promener, ce qui va être une source de grande satisfaction. Ces clés vous ouvrent aussi les portes de la lecture. Ce sera très important pour vous de lire, de commencer à lire en italien, et vous serez surpris par la facilité avec laquelle vous le ferez. Ça serait bien que vous lisiez, par exemple, un magazine avec des interviews, parce que dans les interviews, vous trouverez la langue telle qu'elle est parlée. Je vous recommande vivement d'y consacrer 10 minutes par jour, même si vous êtes fatigué, même si vous avez l'impression que ça ne donne rien. Cette continuité des 10 minutes par jour va vous être très très utile, beaucoup plus utile que si vous y passiez plusieurs heures d'affilée une fois par semaine. Essayez de lire des choses qui vous intéressent. Ne vous obligez pas à lire des choses qui vous ennuient. Persistez et vous vous rendrez compte que vous saisissez l'essentiel de ce que vous lisez, ce qui est déjà bien. Et plus vous lirez, plus vous verrez comme tout se met en place. Pour ce qui est du vocabulaire, essayez de ne pas utiliser le dictionnaire, sauf s'il y a un mot qui est essentiel pour la compréhension de tout un paragraphe. Vous allez voir parfois des mots qui réapparaissent 4, 5, 6 fois, ce qui vous indique qu'ils sont d'usage courant. Après avoir rencontré un même mot 5 ou 6 fois, vous aurez une idée assez précise de son sens. Mais ça va aussi vous motiver pour le chercher dans le dictionnaire parce que vous serez sûr que c'est un mot courant. Sans ça, quand vous lisez, il se peut que vous commenciez à chercher des mots dans le dictionnaire. Des mots que vous ne rencontrerez plus par la suite ou très rarement et qui ne seront pas nécessairement utiles. Dans votre propre langue, vous savez quels mots chercher dans le dictionnaire. Mais ce n'est pas le cas dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc, ce qui vous indique qu'un mot est courant, c'est si vous le rencontrez 5, 6, 7 fois. Alors, vous savez qu'il est important de le chercher dans le dictionnaire et de le connaître. Encore une fois, ça a été un plaisir pour moi, un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Et j'espère que vous continuerez à étudier l'italien. Grazie. Mille grazie.